hôtel, tout au place, SY, coco, genre de trou. J'aime là où les étrangers sont les tout bap, où l'on voit la drogue infiltrée dans les trous de bas, où l'économie souterraine explose les plafonds. Là où la daronne t'appelle pour grave et qu'elle t'affiche à du balcon. C'est pas dans nos frigos qu'il trouvera du lardon. Notre vocabulaire est riche mais on a du mal avec les je t'aime, les pardons. Piste pas à baisse, tu crois y'a du narco. On s'endort à l'heure où nos mères sont durement au charbon. Et c'est pas faute d'avoir essayé autre chose. L'énergie négative dans mes sèches, j'ai distillé à gros dos. De la rime lacrymogène, tu vois le topo. Mon flow danse sur des barils d'essence, la condescence dans mes propos. Quand y'a du pèse, tout le monde est dans le diète. Des ambitions de mafia russe braquées à l'italienne pour filer à l'anglaise. On veut tromper ça que dans le même plan belge. 92 plus vicieux que les cercles, plus de violence que de stress, SY. J'ai de la rue, la même qu'à alimenter mon vécu. Dans la merde, quand j'ai en chien de thune. Tant pis pour pas eu et ses longues études. Y'a pas d'avenir tant que je serai pas des culs. Check. On fait pas ça pour la gloire, je t'assure. Je bénévole si j'ai pas de récup. Un profil pour faire la pute, c'est sûr. On en profite tant qu'y'a pas les stupes. Check, pour fuir la pression, mais par les stupes et la deux merde. La banlieue décompresse, baisse des putes, s'explose à la peur. C'est du haut, tu vas galérer si t'as pas le net. Ou noyer tes soucis dans un verre de sky, ou donc une de la canette. Gavé par les gardes, avec les stars. Défoncer un degré au-dessus avec la coke, l'héroïne ou l'extar. Des fois ça te met bien, des fois tu sais pas. En ceux qui veulent t'aider, ceux qui te comprennent, plus d'infos, c'est vous pas. Dur d'avoir les gros sans passer par la tourment. Pense à braquer l'épicier qui fait jamais trop, mais la banque de France. Gamin du haut, perdu dans la plaque tournante. T'oublies d'avoir de bons sens, il se pourrait aussi que tu manques de chance. Une trop un hôtel de bar, c'est un bon bif. Une passe fatale, accouchée d'un silencieux ou d'un long rire. Crime de barbu, crime de barbare, sans mon vivre. Dans la rue, et si t'es pas vif, tu risques de manger des gros gifs. Un intellect jamais en bug, une perte de couilles. Les keufs dans le réticule, le casse de faire une perte de couilles. La dernière carotte et je me casse, ce serait cool. Je loigne des poires, un nouvel coupé sport, une nouvelle coupe. L'oseille, t'es prêt à mettre la cagoule, bien sûr. Un bon plan, une équipe, bien sûr. Pour l'oseille, t'es prêt à donner ton poule, jamais. Et si tu veux me la mettre, jamais. J'ai de la rue, la même qu'à alimenter mon vécu. Dans la merde, quand j'ai en chien de thune. Tant pis pour pas eu et ses longues études. Y'a pas d'avenir tant que je serai pas des culs. Check. On fait pas ça pour la gloire, je t'assure. Je bénévole si j'ai pas de récup. Pas le profil pour faire la pute, c'est sûr. On en profite tant qu'y'a pas les stupes. Haute-Seine, département du rap français. Du pilon de la com, les gros l'autre.